Rien ici, non, rien n'a changé. Et le temps semble arrêter. Mais l'enfant, la fille sage, lentement s'est transformée. Rien ici, non, rien n'a changé. Et le vent me reconnaît. Mais l'enfant au doux visage qui marchait à mes côtés a changé. La terre est bien la même, légère sous mes pieds, c'est vrai. Rien ici, non, rien n'a changé. Et le temps semble arrêter. Mais l'enfant de mon jeune âge, mon étoile du passé, a changé. A changé, a changé.